Madame Boulard, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Madame Boulard. À Lyonnais. À peine eut-il atteint sa 23e année, que notre ami Boulard se dit « L'heure est sonnée, je veux me marier, mais de très bonne foi. Il me manque un logis, une table, un chez-moi. Ma femme sera jeune et suffisamment belle. Modeste, c'est urgent. Économe, il le faut. Nous mangerons fort peu, nous percherons très haut, et nous vivrons tous deux de mon violoncelle. » Qu'était-il, ce Boulard qui s'exprimait ainsi? Artiste? Vous l'avez deviné, Dieu merci. Je puis bien ajouter tout bas que c'est un maître. Et si vous pratiquez Beethoven et Mozart, certes, vous n'êtes pas sans connaître Boulard. Mais le pontife, alors, n'était qu'un petit prêtre. Le lendemain, notre homme, ayant fort mal dormi, voulut sur son projet consulter un ami. Il s'en alla trouver, dans le plus grand mystère, son compagnon Robin, ci-devant clerc d'huissier. Plus tard, clerc de notaire, et depuis très notaire. Mais le soldat, alors, n'était pas officier. « Je voudrais, lui dit-il, avoir une famille, un intérieur calme, où l'on puisse être heureux. Si tu savais le nom de quelque honnête fille qui voulut me donner ce paradis à deux, j'unirais volontiers ma fortune à la sienne. Fortune, entendons-nous, mais qu'à cela ne tienne. N'ayant rien au soleil, je ne prétends à rien. Pourtant, je te le dis, puisque tu le sais bien, je gratte gentiment sur un violoncelle. J'ai gagné l'an dernier 1000 écus. Tu comprends que j'irai l'an prochain à 4000 francs. Si donc tu connaissais, parmi ta clientèle, une famille, là, sans morgue et sans façon, qui ne ferait pas fi d'un brave et bon garçon, je serais fort heureux de t'avoir pour complice, et mon ami Robin m'aurait rendu service. » Que répondit le clerc, qui n'était pas un sot? « Tu prendrais, toi, Boulard, une fille sans dot? Es-tu fou? Tu vaux mieux que cela, mon bonhomme. Ton talent représente une certaine somme, et nous pouvons trouver... Au fait, oui, pourquoi pas? J'ai ton affaire en main, la mercière d'en bas, la fille de Monsieur Bonardeau, qui demeure dans la maison. Tu vois d'ici le magasin. Tu vas juger de tout par toi-même, et sur l'heure. Je cause avec le père à titre de voisin. Descendons. » Nos amis, sous prétexte d'aiguille, entrèrent. Au comptoir étaient 3 jeunes filles. C'est la petite brune à droite. On échangea 4 ou 5 mots. « Comment la trouves-tu ? » ?»« Fort belle. » »« Cela te convient-il ? » ?»« Oui, je l'aime. » »« Déjà ? » ?»« Je l'aime, et je n'aurai pas d'autre femme qu'elle. » Et les deux bons amis, en se serrant la main, se dirent tour à tour « À demain ! » À demain. Le matin revenu, notre apprenti notaire, ayant pris ses gants neufs et son air important, s'en allait demander Angélique à son père. Angélique a, monsieur, 20 000 francs comptant. Qu'apporte votre ami? Monsieur, il est artiste. C'est bon pour son état, mais quel est son avoir? C'est un garçon d'honneur, de talent et d'espoir. Il est compositeur et violoncelliste. Ils auraient pu longtemps marcher de ce pied-là, sans parvenir jamais à se rejoindre en route. À la fin, cependant, le commerçant parla, de façon à ne plus laisser le moindre doute. « Je vous ai dit, monsieur, 20 000 francs comptant. Je pourrais de mon gendre en exiger autant. Mais je veux avec vous me montrer plus facile. Qu'il en ait seulement 12, et même 10 000, et nous en causerons. Mais vous comprenez bien que je ne puis donner 20 000 francs pour rien. » Robin convenait bien, à part que le bonhomme, étant père et mercier, n'avait pas tort en somme. Mais il ne se tint pas pour battu. Les deux voix se croisaient tour à tour ou parlaient à la fois. On eût dit d'un duo de trombones et de fifres. À la fin, Bonardeau, baissant toujours son chiffre, dit « Qu'il ait seulement 5 000 francs de dot, et ma fille est à lui. Voilà mon dernier mot. » Boulard, qui se tenait au prochain réverbère, apprit l'ultimatum de son futur beau-père. Peut-être croyez-vous qu'il en fut atterré? Non, il dit seulement. C'est une forte somme, Mais puisqu'il faut l'avoir, eh bien, soit, je l'aurai. En devenant avare au lieu d'être économe, en me couchant plus tard, en me levant plus tôt, dans 3 ans, sous par sous, j'aurai tout ce qu'il faut. De ce jour commença pour notre pauvre artiste une existence encore plus étroite et plus triste. Partout, du sud au nord, du couchant au levant, à pied, en omnibus, par la pluie et le vent, pour gagner un cachet quelquefois misérable, il courait, oubliant l'heure de ses repas, déjeunant au hasard ou ne déjeunant pas, métier humble et piteux, mais surtout honorable. Puis ne voyait-il pas au bout de son chemin une fée en jupon qui lui tendait la main? Angélique était là, comme dans un nuage, qui lui montrait de loin l'oasis du ménage, un logis des enfants, le présent et l'espoir, la gaieté du matin et le repos du soir. Puis, quoique professeur, il aimait la musique, et quelques vieux amis de l'école classique venaient tous les jeudis chez les époux Boulard, jouer des quatuors de Haydn ou de Mozart. Après un an passé de cette vie austère, il compta dans un coffre appelé secrétaire, tant en argent qu'en or, environ 1000 francs. Il peut se dire alors, ce sera dans 4 ans. Car pour croire qu'il eût placé pareille somme, en obligation de l'Espagne ou de Rome, point. Le gouvernement le plus accrédité ne lui pouvait offrir assez de sûreté. Que dis-je? Les billets de la banque elle-même ne lui représentaient qu'un dangereux emblème. Non, il n'avait de foi que dans l'argent et l'or. Le soir et le matin, il comptait son trésor. Puis du matin au soir, il parcourait la ville et regardait passer les saisons à la file. En disant au soleil, comme un mahométan, dans 4 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an. Maintenant, abordons cette dernière année. Les choses ont suivi la pente destinée. La tranquille Angélique, assise à son comptoir, voit les jours s'écouler sans trop s'en émouvoir. Le mercier Bonardo, bon marchand et bon père, ne dit rien à sa fille et fait son inventaire. Mais notre petit Claire, allons-nous l'oublier? Non, certes, car il a depuis le mois dernier contracté mariage et traité d'une étude. Les deux marchands de père, c'est la vieille habitude. Avait-il acheté pour pouvoir contracter? Avait-il contracté pour pouvoir acheter? Je ne sais, il sera toujours quelque mystère entre la Providence et messieurs les notaires. Un jour, maître Robin reçut en déjeunant un billet qu'à sa femme, il lut incontinent. C'est fait, c'est fait, c'est fait! La somme est réunie. Présente mes respects à madame Eugénie, que je ne connais pas. J'ai les 5000 francs. Angélique est à moi. Tu comprends, tu comprends? Je te les porterai ce soir sur les 6 heures, pour dîner avec vous. Amitié les meilleures. Quand je songe qu'avant 15 jours, au plus tard, on va dire, monsieur et madame Boulard. L'auteur avait omis de signer cette lettre, mais la forme et le fond l'ont fait assez connaître. Boulard donc, vers midi, s'étant donné congé, parti d'un pas dispos et d'un air dégagé. Il avait enfermé le tout dans 5 sacoches et marchait l'œil au guet et les mains sur ses poches. Il ne vit ce jour-là que des hommes jaloux. Les plus calmes bourgeois lui semblaient des filous. Il crut que le métal sur son front devait luire. Il entendit entre eux tous les passants se dire « Assurément, cet homme est porteur d'un trésor. Il est tout cousu d'or, il sent l'or, il est d'or. » Il s'arrêta devant une de ses boutiques, pleine d'antiquités, tant modernes qu'antiques. Il disait à part soi, « Que je le veuille ainsi, j'achèterai cela, j'achèterai ceci. » Tout à coup, il se tâte, et s'appuie et chancelle. Son être s'est fixé sur un violoncelle, usé, noirci, crasseux, délabré, vermoulu, mais sur lequel ses yeux et son cœur avaient lu. Guarnerius à vendre, occasion unique. Avant que d'y penser, il fut dans la boutique. « C'en est un, » se dit-il intérieurement. « Combien prétendez-vous vendre cet instrument ? 5000 francs, monsieur. »« 5000 francs ? 5000 ? » Il fit un grand effort, un effort inutile, pour éclater de rire. Et reprit en fausset. « 5000 francs, monsieur, savez-vous ce que c'est ? 5 ans de soucis, de labeurs et de peines ? Le suc de la jeunesse et l'espoir des vieux jours, le prix de mon talent, la dot de mes amours, la sueur de mon front et le sang de mes veines, Et vous voulez, monsieur, par un calcul méchant ? Pardon, je ne veux rien, répondit le marchand. Mais que rabattez-vous, enfin, de cette somme ? Rien, j'ai pris rendez-vous avec monsieur Franchomme. Nous sommes au marché. Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à l'attendre. Il doit venir ce soir. Monsieur, vous spéculez sur ma stupide envie. Vous me torturez l'âme et me prenez la vie. Non, non, non, 100 fois non. Il sort du magasin, éperdu, furieux. Sur le trottoir voisin, parmi d'autres passants, était un petit homme. C'est lui, je n'en sais rien, mais c'est lui, c'est Franchomme. Il rentre comme un fou. Je le prends, je le prends. Cet objet est à moi. Voici 5 000 francs. Comptez. Où voulez-vous, monsieur, qu'on vous l'envoie ? L'envoyer ? Non. Boulard ne lâche pas sa proie. Faut-il faire venir le portefeuille du coin ? 1000 remerciements. Je ne vais pas très loin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, là, sur mon épaule. Merci. Bonjour, bonjour. Ce jeune homme est bien drôle, dit tout bas le marchand. Plus d'un passant surpris examina Boulard, qui traversait Paris avec son chargement. Au bout de 3 quarts d'heure, il vit les panonceaux désignant la demeure de son ami notaire. Il monte l'escalier, arrive sans arrêt au 3e palier et sonne. Un domestique, en habit carmélite, lui demande son nom, l'objet de sa visite. « Hein ? Annoncerait-on chez Robin par hasard ? Annoncez donc monsieur et madame Boulard. » Fin de Madame Boulard. Enregistré par Stéphanie.